des colons. Yo, yo, yo, yo. 1992, conscientisation. Yo, yo, yo, yo. Allô, écoutez. Oh, c'est Timoun, pays entouré. Sans chercher, porte à colons, en vivre derrière les Indiens. En combat tout, l'homme est athée ou et nous échouer caillou. Cabalistic.